Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3. Question 114. De l'amitié ou affabilité? Que l'amitié ou affabilité est une vertu spéciale, qui fait partie de la justice. 1. L'affabilité ou amitié est-elle une vertu spéciale? Dans les préceptes de la loi, qui ne commente que des actes de vertu, nous lisons ces paroles, « Rendez-vous affable à l'assemblée des pauvres », Ecclésiastique 4, 7. Le bon ordre de la société exige que tous les hommes, tant par leurs actes que par leurs paroles, aient les uns pour les autres les égards de la bienveillance et de la politesse. Dès lors nous devons admettre qu'une vertu spéciale préside aux convenances de la vie sociale. Cette vertu, nous l'appelons amitié ou affabilité. Note. Elle ne réunit pas tous les caractères de cette autre amitié affectueuse dont nous nous avons parlé dans le traité de la charité, mais elle en offre la similitude en ce que, s'exerçant par les signes extérieurs de la bienveillance, elle fait garder les convenances à l'égard des personnes avec lesquelles on se rencontre. Ne dites pas qu'une telle vertu tient de la dissimulation, si elle donne à tous les hommes, même aux étrangers et aux inconnus, des marques de l'amour général que l'on doit avoir pour tout le monde. Elle ne leur témoigne pas cette affection particulière que l'ami éprouve pour son ami. Fin de la note. 2. L'amitié ou affabilité fait-elle partie de la justice? Cette vertu se rapproche de la justice sous un rapport et s'en éloigne sous un autre, c'est pourquoi elle lui est annexée comme l'accessoire au principal. Elle s'en rapproche en ce qu'elle est relative au prochain, elle s'en éloigne en ce que, ne constituant ni une dette légale ni une dette de reconnaissance, elle impose simplement ce que prescrit la bienséance. Or ce devoir a son fondement dans la vertu même de celui qui l'accomplit, plutôt que dans les droits de la personne qui en est l'objet. Note. C'est un devoir d'honnêteté pour l'homme de procurer du plaisir aux autres par l'observation des règles de la civilité, comme c'en est pareillement un de leur manifester la vérité. Sans cela la société ne serait pas possible. Nul, disait le philosophe, ne pourrait demeurer un seul jour avec un homme ennuyeux et incivil. N'allons pas croire cependant que l'affabilité ou amitié défend de contrister le prochain pour son avantage, quand une juste cause le commande. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.